Doug, Doug. Mano, o como na ndenge na koma kolelo lo oyo lifelo esengwa vie kima e koma bololo lo e depuis ozala yanga ba souvenir ya ba ex tu obosanisa nga e apotase oyo katinga meza pati ya motema ndulunguli nga be uwe pase mon bebe tous les noms tu m'appelais où sont passés tes mots doux. Me perce osana lata osana bima osana mela bashishana bashampagne osana vivre osana lamwa me bebe osate.